J'ai vu le soleil brûler la mer, le volcan éteint fendre la terre, des tombeaux géants perdus dans le désert, et la goutte d'eau creuser la pierre. J'ai connu des nuits où les étoiles transformaient le ciel en cathédrale. Les ruines d'un mur épargnaient pas le temps où j'ai prié souvent, et pourtant rien n'est plus beau qu'un fusil rouillé, qu'un soldat un jour a oublié quelque part à l'ombre d'un buisson, pour courir vers son village et sa maison. Dans ce monde qui bat le tambour, qui préfère la guerre à l'amour, rien n'est plus beau qu'un fusil rouillé, et qui ne servira plus jamais, plus jamais. J'ai vu le savant, j'ai vu l'apôtre passer leur vie à sauver les autres. J'ai pleuré de joie en écoutant le cri d'une femme qui donnait la vie. Belles sont les fleurs dans le jardin qui s'ouvre à la rosée du matin, et la jeune fille dans la rue qui court à son premier rendez-vous d'amour. Rien n'est plus beau qu'un fusil rouillé, qu'un soldat un jour a oublié quelque part à l'ombre d'un buisson, pour courir vers son village et sa maison. Dans ce monde qui bat le tambour, qui préfère la guerre à l'amour, rien n'est plus beau qu'un fusil rouillé, et qui ne servira plus jamais, jamais. Rien n'est plus beau qu'un fusil rouillé. Qui bat le tambour, qui préfère la guerre à l'amour, rien n'est plus beau qu'un fusil rouillé, et qui ne servira plus jamais, jamais.